pour s'appeler madame avec un vrai M. Les femmes sont prêtes à renier leur baptême. Pour ne pas coiffer la Sainte Catherine, elles ont appris à se mettre en vitrine. Et pour habiter de pièces habitudes, les femmes sont prêtes à toutes les turpitudes. Elles s'achèteraient une deuxième vertu si la première ne leur suffisait plus. Et puis, oh, aimer le truc, elles vont pleurer misère, celles qui ont trop voulu passer pour des rosières. Et puis, mais il y a toutes celles dont le nom ne pourra jamais rimer avec Vuitton. Celles qui ne fêtent pas la Saint-Laurent, mais la Sainte-Trime à longueur de temps. Si elles vont se plaindre, c'est en secret, de honte à oreille chez monsieur le curé, qui donne un bon pour la liberté à remettre à Saint-Pierre dans quelques années. Mais sur le ML truc, il ne sait que se taire celui qui vend du rêve sous forme de prière. Mais sur le ML truc, il ne sait que se taire.